Sensiz bir cicim degen yo. T'aimes ma gosse, mon ami pour durer. T'aimes ma gosse, tout le temps tu me courais. Tu soignais mes blessures, sur toi je pouvais compter. Et ça m'a eu à l'usure, tu commences à me manquer. Le temps passe et je deviens possessif. Tu me fais des crises de jalousie. Quand tu réponds pas, je deviens agressif. Et c'est ça que tu apprécies. Je suis attaquant, je te fais des passes décisives. Je suis Neymar dans tes Cavani. Tu me trouves beau, tu me trouves inoffensif. Je suis le premier de tes soucis. À la base t'étais mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie. Je crois que j'ai des sentiments. À la base t'étais mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie. Hey, et comment je vais lui avouer? Avouer. Comment je vais lui avouer? Soutenir.